Welcome back to Holiday on Life sur Guadeloupe la Première. Du lundi au jeudi de 20h à 22h30. Holiday on Live avec Philippe Forbin, c'est le Focus Gold Music et les showcases en live and direct avec toutes les couleurs de la musique. Qu'elle soit reggae, soul, begin, jazz ou groka, on s'envole dans une autre dimension avec les invités triés sur le volet par votre animateur Philippe. Holiday on Live et le grand karaoké du mercredi. Holiday on Live, Philippe Forbin est avec vous tous les soirs de 20h à 22h30 du lundi au jeudi. Sur votre radio live des vacances, Guadeloupe la Première. Envie de vous détendre après le boulot, de prendre un verre, de culture. Chaque soir de la semaine, de 17h à 20h, c'est Happy Hour sur Guadeloupe la Première. Je vous invite à siroter le meilleur de la scène culturelle de chez nous. Avec les actus, de la musique, les infos spectacles, je reçois des artistes, mes coups de cœur. C'est frais, c'est local, c'est vivant. Et c'est servi avec le sourire, made in Métis. Happy Hour, c'est l'apéro culture du lundi au vendredi sur Guadeloupe la Première. L'après-midi avec Maggie, tout un programme vacances comme à la maison. En vacances là, pas en KPI là. All around the world. 9h-11h sur la Première, c'est Service Vacances. Un rendez-vous quotidien pour apprendre, découvrir, se divertir en Guadeloupe et bien plus encore. Dans Service Vacances, on y parle nature, environnement, santé dans ce clin d'œil à la vie. Et prenez la parole tous les matins, 9h30, à l'heure des petites annonces. Service Vacances, c'est aussi des rencontres et des échanges en toute convivialité. Bref, le matin sur la Première, 9h-11h, c'est les vacances avec Christophe Cuby. Hello, hello mes bonifieurs, mi-vacances l'arrivée, qui dit vacances dit siwotage, mais surtout retour du brunch. Alors je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 11h à 14h sur la Première. Au menu, bon plan, recettes, invités, infos, musique, sans oublier une bonne dose de love. Hey, le brunch by Nandi, ton brunch pour garder la forme et c'est sur Guadeloupe la Première. Vous êtes à l'écoute de Guadeloupe la Première, c'était le flash, même l'actualité sur, avec France Info. On continue ici au studio Desvarieux, Jimmy Desvarieux le grand. Jimmy nous revient avec L'aile en huit tombée. C'est tout de suite, c'est maintenant, bonne écoute. La nuit tombe en panne, sommeil, moi qu'on zombie, moi en mode vie, l'esprit en moi pas qu'arrêter, tourner. Fais mes désirs pour moi d'ami, pour tout y penser, moi peux fuir, mais l'esprit en moi pas qu'arrêter. Tourner, tourner, et moi la qu'à imaginer, qu'un j'aime un homme qui moi, et au coucher en débat, mais que si porte et plus détail, si les réseaux qu'à espionner, qu'il est qui t'en connecté, si vous aussi ou pas qu'à dormir. Si vous qu'à songer, moi chérie, la nuit tombe en panne du sommeil. Moi qu'on zombie, moi en mode veille. L'esprit en moi voulait pas arrêter. Tourner, tourner, fais mes désirs pour moi d'amis. Pour tout bien penser, moi péfui. Mais l'esprit en moi qu'à continuer. Tourner, tourner, album photo, moi jaillissait. Gageant ou belle, gageant ou frais. A souvent oublié d'oubli, t'es qu'à prendre l'amour pour acquis. Tout petit moment que nous passons, tout petit côté que nous allons, à tête au moins qu'à vous venir, à tellement envie de voir chez lui. Envahis moi, que tout le carin monte en gagnant moi. C'est la vie triste, bébé, car souvent plus, bébé, des absences, des absences. Chaque jour passé sans vous, bébé. Moins qu'un ciel qui sans étoiles, qu'on voit lié qui chire et voit. l'émission qui transforme ton après-midi en vacances. Nous essayer mais ton voilà c'est doute. Viser jusqu'à un mois ni en tout. Il pète qu'un danse qu'à mon réo tous les jours. En concours comme ça que moi démuni qu'à chercher one on it. Même si bah on peut qu'il goûté. Ou savait vraiment ça toi encore. Et gala pas éveil des bonnes ou qui réparer tort. Ou connaît tant qu'il cadre moi rêvé. Bah ouais on rêve on passe à apaiser moi. Mais si tout l'aide nous peut pas rêver. C'est qui en veut pas tomber. Même toujours bizarre trouver en fautif. Un qui jurait moi si ça peut faire du bien. Mais moi on nous marque si négatif. C'est chez Zia où ça m'envoie ça va bien. Tout ça qui peut arriver c'est faute à moi. Mais pas goût mais pour ça qui est certain. Cache là où va échapper ou en moi. Un qui jurait moi si ça peut faire du bien. Gardez-moi si y'a aucun crié coulé. Tout ça, moi, peut faire ça qu'à filater. Nous monter tout haut, c'est dans nous brûler. Pourtant, essayer à vertir. Ou garder pour t'investir. En toute manière, t'es qu'à insister. En partie pour faire vivre en love comme ça. Faut en t'es parti, les nous t'es aux abois. Je dis, c'est moi qui a fait mes agoules par où. Sacré karma. Même toujours bizarre trouver en fautif. Un qui jurait moi si ça peut faire du bien. Mais moi on nous marque si négatif. C'est chez Zia où ça m'envoie ça va. Tout ça qui peut arriver c'est faute à moi. Mais pas vous mais pour ça qui est certain. Cache là où va échapper ou en moi. Un qui jurait moi si ça peut faire du bien. Kaini Brown sur Guadeloupe la première, faute en moins. Kaini, K-E-A-E-N-Y. C'est à noter. Ouh, j'ai bugué même moi. Vous êtes bien sur Guadeloupe la première. Il est 16h16. Team Cam, 16h17. On est toujours sur Guadeloupe la première, toujours comme à la maison. Et vous le savez, les après-midi, deuxième partie, eh bien, on reçoit toujours des invités d'exception. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le cancer, et plus particulièrement le cancer au féminin dans nos outre-mer. Et vous le savez peut-être, ici en Guadeloupe, on compte environ 680 nouveaux cas de cancer par an, pour une population à peu près de 380 000 habitants. Et une femme sur trois sera confrontée au cancer au cours de sa vie. Derrière ces chiffres se cachent des parcours de vie, des épreuves, mais aussi des élans de solidarité. Et pour en parler, eh bien, j'ai la chance de recevoir quatre femmes engagées au sein de l'association Amazon Guadeloupe qui œuvrent au quotidien pour accompagner les patientes et leurs familles, mais aussi pour faire entendre leur voix. Et je reçois aujourd'hui Gianna Siban. Bonjour. Je reçois également Karina Guillaume. Bonjour. Laurence Joseph Monrose. Bonjour. Et Annabelle William. Bonjour. On rappellera leur rôle au sein de l'association un peu plus tard. Mais avant ça, eh bien, mesdames, je vais vous proposer d'écouter nos petites voix de l'après-midi. C'est la post-immun, c'est tout de suite et c'est maintenant. Oui. Et si on laissait les enfants prendre le micro ? Petite voix, grandes idées, c'est l'heure de la pause Timoun. Aujourd'hui, je mets un peu de miel dans vos vies et j'ai demandé aux enfants ce qu'est l'amour. Et on commence par Diane, 7 ans. Quand on aime les personnes. On continue avec Léandre, 10 ans. Quand deux personnes s'aiment. Néfer, 6 ans. C'est qu'on aime la famille. Pour Keren, 4 ans. Des messieurs et des dames qui se marient. Eden, 10 ans. Mais l'amour, c'est une qualité qui nous unit. Et c'est quand on est gentil, on fait preuve de respect pour les autres. Cataléa, 6 ans. Pour moi, l'amour, c'est... Si jamais je tombe sur un mari comme ma maman, et ben peut-être si on est dans le même travail, je lui demande, est-ce que je peux être ta femme? Et lui, il va répondre peut-être oui ou non. Et s'il dit oui, ben on sera mariés, on aura des enfants. S'il dit non, et ben je vais me trouver un autre mari. Et comme ça, si l'autre ne veut pas se marier, et ben j'aurai pas d'enfants. Jaden, 14 ans. C'est quand tu aimes une personne et que tu chasses avec elle. Et on poursuit avec Lewis, 5 ans. C'est quand on est amoureux de quelqu'un, c'est comme l'amitié. Et en fait, ça s'appelle pas pareil. C'est presque comme l'amitié, mais ça s'appelle pas pareil. Et on finit cette série par Joa, 6 ans. L'amour, c'est avoir une famille qui nous aime. Alors mesdames, c'est quoi l'amour pour vous ? Oh, c'est un beau sentiment qu'on partage avec d'autres personnes qui sont sur les mêmes vibes que nous. Ça, c'était Gianna qui nous partage sa définition. Il n'y a plus rien à rajouter. Je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter. Complet, là. Vous trichez, mesdames. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as pris la parole. Non, mais en soi, c'était tellement bien dit. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter, en fait Voilà, on pense pas à toi. C'est vrai. Alors, j'ai vraiment le plaisir de vous recevoir cet après-midi. On va découvrir un peu les Amazones, leurs combats, leurs actions concrètes. Et puis surtout, ce grand rendez-vous à venir, qui est la convention cancer au féminin dans les Outre-mer, qui aura lieu le 28 novembre, du 28 novembre au 7 décembre. Ça a l'air d'être loin, mais il y a beaucoup de préparatifs avant. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? C'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Ma première question va à Karina Guillaume, qui est présidente de l'association. En quelques mots, qu'est-ce que l'association Amazon Guadeloupe et quelle est sa mission principale ? Ah, belle question. Alors, Amazon Guadeloupe, c'est vraiment une aventure humaine, une aventure de femmes, de patients. Oh, je perds mon fil, ben dis donc, on est en direct, hein, n'est-ce pas ? Mais on c'est est pas en grave, direct, hein. Les auditeurs sont à l'écoute. Non, mais c'est pas grave. Chers auditeurs, désolé, mais en fait, ça arrive. Je suis fatiguée, on a fait un anniversaire hier, l'anniversaire de l'association. Donc, comprenez, maman. En tout cas, Amazon, c'est aussi, voilà, c'est une belle histoire. C'est une histoire, en fait, de plusieurs femmes. Ça a commencé, en fait, en Martinique. Aujourd'hui, en fait, c'est sur sept territoires qu'on accompagne, en fait, des femmes, qu'on accompagne, en fait, des parents, qu'on accompagne aussi, ben, des familles, en fait, tout simplement. Et nos missions, c'est vraiment, en fait, un accompagnement, en fait, des femmes, un accompagnement, en fait, féminin, accompagner en fait toutes ces femmes, accompagner en fait leur famille, accompagner toutes ces familles et ces femmes au quotidien. Qui sont touchées par le cancer de façon générale, parce qu'on associe souvent Amazon au cancer du sein, mais c'est le cancer au féminin. Oui, parce que souvent, en fait, on nous cible tout le temps au niveau du cancer du sein. Et c'est important pour nous, en fait, de dire qu'il y a d'autres batailles et d'autres femmes, en fait, qui du coup, ont besoin d'être visibilisées, parce qu'on est souvent, d'ailleurs, invisibilisées. Elles ont besoin d'être visibilisées et comprendre, en fait, que le cancer, ben, malheureusement, en fait, c'est toute l'année. Et que ça, justement, que ça nous fait vibrer, en fait, ça fait vibrer des familles et c'est dur. C'est vraiment très dur, en fait, pour ces familles-là. Et c'est important, en fait, de dire. Soutenu et accompagné. Au-delà, en fait, de la maladie, qu'il y a aussi tout simplement, comme dit Gianna, et comme on dit souvent, qu'il y a souvent, en fait, la vie. Eh bien oui, on sent une belle dynamique collective. Et ma prochaine question va à Laurence, que je regarde sur ma droite. Comment fonctionne concrètement l'association et comment vous êtes financée aujourd'hui ? Donc pour l'instant, enfin, on est financé par des petites mains, en particulier, enfin plus enfin, monsieur et madame tout le monde. On a quelques entreprises aussi qui nous soutiennent, notamment principalement en Octobroise, mais bon, on arrive à trouver quand même des donateurs, mais c'est monsieur et madame tout le monde, comme toi, comme... voilà, c'est eux qui nous aident à justement mener des actions, faire des ateliers pour justement ces femmes atteintes de cancer et leurs familles. Et on retient ça, puisque ça veut dire que vous pouvez vous rapprocher d'eux pour à la fois apporter un soutien, déjà, pouvoir aider aussi votre main, votre esprit, vos savoir-faire, vos compétences sont toujours les bienvenus. Donc, au sein de l'association. Voilà, il n'y a pas que la partie financière. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider, qui sait faire, je ne sais pas... des flyers, du community manuel, management. nous, on est ouvert, et on reçoit cette personne et puis elle apporte sa pierre à l'édifice. Donc, tous ceux et celles qui veulent nous aider, il n'y a pas de problème, puisque c'est pour monsieur, madame, tout le monde, puisque les familles, ils sont atteints, et de toute façon, demain, ça peut être nous, demain, ça peut être notre famille. On connaît toujours une personne qui a eu un cancer, ça peut être un collègue, ça peut être une maman. Je pense qu'on doit être tous concernés, en tout cas. Ma prochaine question, Annabelle William, que je regarde toujours à ma droite. Amazon Guadeloupe, c'est aussi, et vous êtes aussi membre d'une fédération, en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la fédération Amazon et comment vous travaillez ensemble, justement, entre territoires ultramarins? Alors, la fédération, ça va vraiment être le regroupement de toutes les autres associations Amazon, donc sur les sept autres territoires. Et c'est vraiment se réunir pour porter la voix, aussi bien au niveau national qu'aussi à l'international, pouvoir travailler sur d'autres projets un peu plus d'envergure. On parle beaucoup de recherche. Et voilà, comment aussi on peut apporter notre pierre à l'édifice et que voilà, tout ce qui est nouveauté, innovation en santé puisse après rayonner sur nos territoires. C'est aussi cette force que peut avoir la fédération de pouvoir toutes nous réunir, de pouvoir travailler sur des projets d'envergure. Alors, en parlant de projets d'envergure, il y en a un qui arrive. On a parlé de la convention cancer au féminin. Et là, je regarde Gianna qui est à ma gauche. Gianna Siban, qui est coordinatrice santé. Et on m'a soufflé qu'elle était aussi nouvelle présidente. Mais ça, on en reparlera. Vous êtes en première ligne, des patientes, finalement. Quel type d'accompagnement est-ce que vous proposez concrètement aux femmes qui sont touchées par un cancer et à leur entourage? Alors, nous accompagnons les femmes. Alors, comme dit Karina, moi, ce que je prône, c'est vraiment la vie, parce que nous avons la chance de nous réveiller chaque matin et d'être en vie. Et donc, c'est une opportunité chaque jour de faire quelque chose de bien ou d'agréable. Donc, on met vraiment en place des ateliers qui permettent à ces femmes soit de découvrir des choses qu'elles n'auraient peut-être jamais pensé faire, comme de la plongée sous-marine, du saut en parachute ou autre, soit de se reconnecter à une féminité, à une beauté intérieure et extérieure, puisque la beauté n'est pas qu'extérieure, mais en tout cas qu'elle puisse reprendre confiance en elle et reprendre goût à la vie. Donc les ateliers, ça peut être ils sont animés par une socio-esthéticienne, par exemple, qui leur apprend à s'habiller ou à se remaquiller, même si c'est légèrement, en tout cas à se mettre en valeur. Ça peut être des ateliers de détente, yoga, sophrologie ou autre. Des ateliers culinaires également, puisque du coup, on mange autrement, on réapprend à manger en fonction de nos besoins. C'est vraiment varié parce qu'on est au service de la population et donc on essaie de toucher vraiment chaque femme et de lui apporter ce dont elle peut avoir besoin. Donc voilà, et on met aussi en place des groupes de parole. Donc on a un groupe de parole spécial Amazon pour les patientes, où elles peuvent se retrouver entre elles, et ce groupe est animé par une thérapeute extérieure. Et on a un autre groupe de parole pour les aidants, qui eux aussi se retrouvent entre eux, parce que c'est une position qui est vraiment très très inconfortable, et ils ont besoin d'avoir un espace où ils viennent libérer certaines choses pour pouvoir repartir remplis d'autres choses. Alors Karina, parmi ces ateliers, ces accompagnements, il y a les fameux nids. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept et pourquoi est-ce qu'il est si important pour l'association? Alors les nids, ce sont des maisons d'accueil participatif. Aujourd'hui, en fait, Amazon prône en fait l'excellence. On a un travail de fond qu'on a fait justement lors de la création de la fédération, et d'où ces conventions. L'idée aussi, c'est de pouvoir apporter en fait des outils pour justement en fait ces nids. Ces nids, ce sont vraiment des cocons d'amour, des cocons de bienveillance pour pouvoir en fait accueillir les patientes, mais pas que, accueillir aussi les familles qui ont aussi besoin de pouvoir, ce besoin de aussi lâcher prise en fait au-delà de tout ce qu'ils vivent avec la personne, parce que souvent en fait on prend pas conscience de ça, mais les aidants en fait ils vivent doublement, et d'après les statistiques c'est souvent eux qui partent en fait avant la personne en fait qui est malade. Ces nids en fait justement, ce sont vraiment pour nous des espaces. Je ne sais, C'est vraiment en fait des espaces. Ça se vit. C'est vraiment ça. Quand, par exemple, pourtant, nous n'avons pas encore notre maison participative, nous avons en fait notre petit espace, notre petit nid, comme on l'appelle, qui se trouve à Dalcia. Mais quand vous avez des personnes qui rentrent en fait dans cet espace, souvent en fait, ils n'ont tout simplement pas envie de sortir. Vous avez les enfants en fait qui jouent dans l'espace d'accueil, qui sont là en fait au sol en fait, tranquillement. Vous avez les patientes qui ont leurs ateliers. Et au-delà de ça, c'est aussi des espaces d'innovation. C'est là où aussi on va brainstormer. Ce sont des endroits où en fait il y aura en fait toutes ces idées qui vont émerger de toutes ces patientes et de toute la coordination, de toute la direction et qui vont nous permettre au contraire de pouvoir développer, pouvoir se déployer et pouvoir en fait créer et être et rester en fait dans l'innovation santé, faire émerger justement tous ces parcours, toutes ces expériences en fait de vie et pouvoir justement accompagner toutes ces expériences, les améliorer aux besoins, les améliorer, oui certes, mais leur apporter de l'essence. Mais de l'essence vraiment dans le sens spirituel en fait du mot, cette essence. Et cette essence en fait justement elles en ont besoin, on en a besoin en fait tout simplement. Ouais. Eh bien oui. Il y a des mots forts et des mots inspirants au sein de cette association. On va continuer cette discussion ensemble, mesdames. On va écouter tout de suite l'interview de Pat, parce qu'il promet de son micro tous les après-midi. Il nous fait et il nous offre des bons moments de radio en quai à Pays-là. En vacances là, Pat, en quai à Pays-là. Meg, oh là là là là, je ne sais pas, bon, là, j'ai peur. J'étais à quelques pas, je suis tombé sur quelqu'un qui est en vacances, en Guadeloupe, et ça me fait plaisir, elle a un beau teint, elle est belle, elle est magnifique, on aurait dit une sirène. Oui. Bonsoir, le prénom. Bonsoir, Eden, enchantée. Eden, alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais, tu vis où, et déjà... L'autre question, pourquoi avoir choisi la Guadeloupe, mais tout à l'heure. Qui est Eden, si tu pouvais te présenter aux auditeurs de Guadeloupe la première? Alors, pour me présenter, déjà, donc, je m'appelle Eden, je vis à Paris et je viens souvent en Guadeloupe depuis que je suis petite, j'ai de la famille là. La famille Sylvestre, pour ceux qui connaissent. Et je suis venue cette année parce que j'ai mon copain qui n'est jamais venu. Donc, j'ai voulu lui faire découvrir l'île, que je trouve très belle. Comment il s'appelle? Louis. Louis, on te salue. Là où tu es, lui, voilà, on t'envoie un petit coucou. Alors, Eden, tu as la famille ici et la Guadeloupe. Tout de suite, si je te dis la Guadeloupe, tu me dis quoi, toi, personnellement? Sorbet coco. Direct. Ouais, sorbet coco. Sorbet coco, Sainte-Anne, la famille et le punch. J'ai pas envie de te demander, ça se demande pas de moi, mais tu es jeune, on voit que tu es jeune. Lorsque tu vois un pays comme la Guadeloupe, tu viens en vacances... Tu ressens quoi personnellement? En Guadeloupe, nature, sincérité et convivialité. Les gens aiment recevoir. Oui, vraiment, c'est inné, j'ai envie de dire, chez eux. Donc c'est agréable de les rencontrer, même des gens que je connais pas. Je les rencontre, j'ai l'impression que je les connais depuis des années déjà. Alors ces vacances, est-ce que tu as prévu de faire des choses exceptionnelles déjà avec Bip, lui, d'accord, pour qu'il puisse voir parce qu'il connaît pas. Est-ce que tu as prévu, tu as fait un programme, comment ça se passe pour toi pour ces vacances? Alors honnêtement, j'avais un programme, mais on se laisse un peu aller. J'aimerais bien lui faire visiter la bananeraie déjà. Je trouve ça intéressant. Pourquoi la bananeraie? J'ai toujours aimé depuis que je suis petite, je le fais, je le refais. Après la pointe des châteaux, j'ai toujours fait depuis petite et j'ai rencontré... Le lever du soleil? Lever du soleil, coucher du soleil, tout, c'est sympa. Et non, demain on part en excursion bateau pendant toute la journée. Canyoning, apéro, bateau, soleil, voilà. Un petit mot pour celles qui nous écoutent cet après-midi à la radio, les Guadeloupéens, monsieur, celles qui sont aussi en vacances, où il fallait vendre cette destination qui s'appelle la Guadeloupe, tu aurais dit quoi à nos auditeurs ce soir? Déjà merci aux Guadeloupéens de nous accueillir, parce que je trouve qu'ils nous accueillent bien. Pour les prochains qui souhaitent et qui hésitent de venir, n'hésitez pas, c'est vraiment une destination incroyable, vacances, on mange bien, il y a du soleil, donc n'hésitez pas à foncer, bisous à tous. Allez, un petit mot pour Meggy, elle est en studio, dans la clim, moi, on est dehors, on est bien, hein, on est bien au soleil, on est bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ma collègue Meggy qui nous écoute? Meggy, merci déjà pour ton travail, courage dans les locaux, et puis peut-être un jour on se rencontrera. Mais et bisous de Paris. Bisous de Paris, voilà. Bisous. À tout à l'heure.